Chapitre 9e, 5e nuit. Christophe avait besoin de revivre une scène qui le touchait avant de s'endormir. Il en trouva plusieurs, toutes fatiguées, usées d'avoir trop servi. Il en fut contrarié. Il n'aimait pas gaspiller ses meilleurs souvenirs. Alors, peut-être, exhumerait-il un poème écrit 20 ans plus tôt. Il en récita mentalement quelques-uns sans choisir. Certains vers l'étonnèrent. Comment avait-il pu écrire de pareilles choses qui parfois s'opposaient à ses convictions les plus profondes, des idées fortes et justes, ancrées depuis toujours dans son esprit? Pourtant, ses réactions spontanées jetées sur le papier, en contradiction totale avec ses idées, étaient là, bien réelles. Que fallait-il en penser? S'agissait-il d'égarements passagers ou de sacrifices aux modes et aux idées dominantes du moment? Ou bien, reflétait-il mieux ce qui était inscrit au plus profond de lui? Il préférait ses convictions d'aujourd'hui, elles le rendaient sympathique, croyait-il. Il aurait voulu parler de cette apparente contradiction à quelqu'un, sans livrer en pâture ses lignes de jeunesse. Il avait écrit beaucoup de poèmes d'amour. Il avait l'impression ce soir que les meilleurs étaient ceux qu'il ne maîtrisait pas, ceux dont il refusait la paternité quant au fond. Il y avait aussi les textes ambigus, qu'il ne comprenait plus aujourd'hui. Les avait-il dominés ou avait-il été le relais de mots et d'idées venus d'ailleurs ou soufflés par d'autres? Par exemple, l'arbre. À 18 ans, je crois, j'ai découvert cet arbre, à la vue agréable, arbre à tronc haut et droit. Il portait quelques fruits, de toutes couleurs et formes. Et moi, le petit homme, quelques-uns ai cueillis. Mais comme je les cueillais, quelle ne fut ma surprise, ils repoussaient. À ma guise, je pouvais user de l'arbre. Tous aient voulu cueillir dans ma belle innocence, excès de volupté familiale enfance, n'en ai jamais trouvé un à ma convenance, et blanchi à chercher aux fruits une différence sur l'arbre. Car ils sont tous les mêmes, simples reflets des dieux, ils ne se prêtent à la bouche qu'un instant, et on les voit renaître sur l'arbre. L'homme est assis sur le banc, il a le regard vide. Il ne voit pas les gens passer. Quelquefois, il sent une présence près de lui, mais ne détourne pas la tête. Il a un visage dur, décoré de rides profondes, des yeux d'acier, que fait ressortir le gris parsemé sur sa chevelure. Ses mains sont enfouies dans les poches de sa veste. Il ne pense pas, il ne rêve pas, il est à l'arrêt, entre deux vies, entre deux personnages. Il mène sa lutte sans espoir. Il sait que l'enveloppe de fer a déjà recouvert ses bras et ses jambes, et qu'elle commence à gagner son thorax. Il a un peu de mal à respirer. Il se mord les lèvres. Un peu de sueur coule sur ses tempes. Un reste de réflexe humain qui lui arrache une sorte de rictus. L'acier a recouvert entièrement son corps maintenant. Son cœur et son cerveau sont sans protection. Encore quelques minutes, et le robot aura remplacé l'homme. Il sait qu'il va lui falloir trouver une autre poupée, car sa jolie poupée est partie. Et ne reviendra jamais plus. Il ne peut même pas pleurer cette disparition. L'eau ne coule pas du fer. Plus rien ne coule dans son corps et sûrement pas le sang et l'eau. Sa tête se tourne à droite puis à gauche. Ses yeux observent les passants. Il cherche la poupée. Le petit garçon demande. « De quoi as-tu peur des fois, toi, monsieur ?»« Moi ? J'ai peur que mon rêve soit un rêve. » Le petit garçon dort comme un ange. Son cœur se repose derrière ses yeux fermés. Son cœur, mais pas son esprit, qui bat la campagne et qui nage dans les couleurs de la jeunesse. Il voit des gens qui rient et des gens qui pleurent, et des frères Jacques et des furets qui courent, et des forêts peuplées de méchants loups. Et il voit son cœur qui déborde de tendresse pour sa maman et pour son autre maman. Sa petite bouche fermée est prête pour le baiser à celle qu'il aime tant. Ses doigts cramponnent son chiffon collé contre son menton. Et ses cellules caressent les belles images de sa journée. Il sait que les yeux doux veillent sur son sommeil. Il l'aperçut et vérifia sur la photo que c'était bien lui. Aucun doute possible. Il avait les cheveux blancs, non coiffés, et ne regardait pas les choses autour de lui qui ne semblaient pas l'intéresser. Il s'apprêtait à le suivre quand un autre homme surgit. Son visage était la réplique exacte du premier, et ce n'était pas une illusion. Ses cheveux blancs étaient peignés. Il lui fallait choisir lequel suivre, alors que l'un partait à droite et l'autre à gauche. Il aurait aimé pouvoir se couper en deux, mais devant cette impossibilité, il choisit de partir à gauche. Un visage déjà vu, mais non mémorisé, sur un drôle de corps, celui d'un animal. Un petit animal, avec six pattes velues, une sorte d'insecte. Ça fait un peu peur, on a envie de l'écraser. Il n'y a que les enfants pour aimer les insectes. Un grand visage sur un petit corps. Et cela ne semble pas bizarre. Ça avance quelquefois rapidement, parfois ça s'arrête et ça attend. Ça observe avec ses yeux d'humain, ça réfléchit. On dirait que ça réfléchit. À quoi? À qui? Qu'importe, qui s'en soucie? Ce n'est qu'une espèce d'animal, ou une espèce d'homme, on ne sait pas bien, et on s'en fiche. Ça mange quoi? Ça vit comment? Y a-t-il des femelles de cette espèce? Quelle importance? Pourquoi toutes ces questions? Là, il avance doucement, dans l'ombre. On le distingue à peine. Je dois être le seul à le voir, ou à me soucier de lui. Vous ne le voyez pas, mais il vit, lui aussi. Voilà. Maintenant mon nez me démange. Il faut que je me gratte. Ah, ça fait du bien. Mais avec quoi me suis-je gratté? Bon sang, avec une sorte de patte, une patte velue. Il en est six, moi aussi. Je suis comme lui et il me voit comme je le vois. Non, je ne suis pas comme lui, non. Et vous non plus, n'est-ce pas? Vous non plus. La boule roule, comme chaque soir, de numéro en numéro. Aucun d'eux n'a sa préférence et elle n'a que faire du rouge ou du noir. Elle ondule des hanches, au rythme d'une musique venue des lèvres de l'un ou de l'autre, autour de la table ou d'une autre table, plus loin. Et sa tête se balance sous le regard des joueurs qui croient qu'elle hésite à les faire devenir riches. Un petit saut, une pirouette et elle s'arrête, les jambes coupées. Le vacarme s'installe alors tout autour. On rit, on parle fort, on gesticule. Ses copains, les jetons, commencent alors leur manège. Poussés par le râteau ou posés par des mains de toutes sortes, aux parfums ou aux odeurs variées. Il paraît que les jetons reconnaissent les joueurs à l'odeur de leurs mains, ou à leur chaleur, ou à la texture de leur peau, ou à leur degré d'humidité. Les jetons ont de la chance, ils ne sont jamais seuls, ils se promènent en bande, et la nuit ils sont dans les mêmes dortoirs. Elle, la boule, est seule, toujours. Elle mène sa vie de star, solitaire et adulée par ses milliers d'admirateurs. Elle, quand elle se retrouve seule, le soir, elle ferme ses petits yeux et s'imagine être un simple jeton. Quand elle pense que aussi l'on vit, ah, s'il savait. Et le vacarme cesse, et les projecteurs sont braqués sur elle de nouveau. Il s'élance sur sa piste numérotée en ondulant des hanches. L'homme est presque entièrement dans le marécage, le cœur bien humide. Il tient l'autre homme qui glisserait définitivement sans son étreinte, qui tremble et qui pleure et qui chante. Il est venu à son secours sans vraiment savoir pourquoi, par désœuvrement ou par curiosité, pas par pitié en tous les cas. Il regarde sa vie passer au-delà de la nuit qui l'entoure, ses succès et ses échecs, une vie trop bien remplie qui déborde et qui fait tout disparaître dans un premier temps, puis fait ressurgir une petite île lointaine vers laquelle il faut se diriger pour essayer de survivre encore un peu. Il voit tout cela dans la nuit et il est le spectateur. Deux yeux clairs, un visage de jeune adolescente, souriant, épanoui, innocent, qui le regarde, qui l'admire, qui le dévore, qui l'encourage, qui le propose et les yeux se mouillent. Et c'est de sa faute. Pourtant, il voudrait tant lui dire ce qu'il ressent, mais il ne peut pas. Ou il ne sait pas, ou il ne trouve pas les mots. Pourtant, les mots, il les aime comme il aime ses yeux clairs. Les cloches carillonnent et leur tintement vole d'oreille en oreille, dense mais léger, joyeux et aérien. Les gens se pressent sur le porche de l'église. Les escaliers essaient de les soutenir tant bien que mal. Les yeux sont humides ou mouillés. Les lèvres sourient ou s'agitent. Les sourcils sont interrogateurs. Les têtes se tournent. Les mariés vont bientôt sortir. Ils ont dit oui, tout à l'heure. Personne ne doutait de la réponse de l'homme. Mais celle de la femme n'était pas jouée d'avance. Son oui en a surpris certains. Il a tonné comme le canon et a fait exploser des projets à la ronde. L'homme, lui, était aux anges. Il souriait béatement, les yeux perdus dans le bonheur. La femme avait hésité longuement avant de se décider. Elle aurait préféré qu'un autre soit à son côté, mais cet autre ne savait pas ce qu'il voulait. Enfin, elle avait dit oui, et tout le monde les attendait dehors, impatient d'être sûr que c'était bien elle. Le mari arriva, précédant de peu son épouse. Son sourire béat avait laissé la place à une pâleur fantomatique. Et ses yeux regardaient vers l'intérieur de son corps, son cœur ensanglanté. Les gens s'imaginèrent qu'il s'était passé quelque chose. Ils comprirent lorsque le marié souleva enfin son voile et découvrit sa tête de mort.